Pourquoi les gens essayent d'être de plus en plus respectueux de l'environnement ? Bah, tout simplement parce qu'ils savent que la planète est en danger et qu'il faut la protéger. Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est de la peur de voir sa planète s'éteindre ou juste du respect pour la planète ? Les deux, je pense. Ouais, les deux, je pense. Enfin, après... Ouais, non, si, les deux. Très bien, les deux. Alors, y a certaines manières, peut-être, de faire de l'écologie, si on peut appeler ça comme ça, que vous connaissez, que vous pourriez... Bah, le recyclage, déjà. Le recyclage. Qu'il faut éviter, de jeter trop de choses en plastique et même dehors. Il faut pas jeter ses papiers dehors, faut jeter dans une poubelle. Mais c'est pas ça, le recyclage, en fait. Oui, non, mais c'est un dérivé. Oui, c'est le moyen qui permet, en fait, de faire du recyclage. C'est-à-dire, bon. Si tu jettes tout par terre, on peut pas recycler les objets qui sont par terre. Genre le papier, si tu le mets à la poubelle, et après, il va être recyclé. Bah non, faut le mettre dans le truc exprès. Bah oui, mais c'est comme une poubelle. Bah non, t'as la poubelle et t'as l'autre. Non, mais c'est une poubelle quand même. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est un bac où tu mets des objets dedans, où tu mets des déchets dedans. Ça s'appelle une poubelle. Mais que c'est pas la même pour chose. Le plastique, que pour le papier, que pour le verre, que pour tout ce que tu veux. Bah oui, c'est une poubelle. Mais oui, c'est, mais c'est pas la même chose. Mais oui, mais c'est quand même une poubelle. Bon, alors, continuons. Alors, il y a aussi d'autres moyens qui sont beaucoup moins connus aussi. Par exemple, une autre sorte de recyclage, c'est de prendre les objets qui ne nous servent plus puis s'en servir pour créer autre chose soi-même. Oui. Par exemple, imaginons avec un sac en plastique, on peut décider d'en faire... Un ballon. Un ballon. C'était la seule idée qui m'était venue en tête, voilà. Non, mais on peut, oui, un ballon, mettre de l'eau dedans, dans le sac, on le ferme, et puis voilà, ça fait un ballon. Pas sûr qu'il tienne très longtemps. Oui, bon, ça c'est un mauvais exemple. Mais le truc principal, c'est recycler et ne pas jeter trop de choses, comme le gâchis alimentaire, mais bon, ça... Alors, c'est pas vraiment dans le thème. Aussi, si vous avez un jardin, n'hésitez pas à planter des arbres. Car les arbres, en fait, dans leur vie, ils absorbent une tonne de CO2. Donc, ce qui est quand même pas mal. Donc, mais si les gens ils connaissent pas le CO2, faut que tu leur expliques. Oui, c'est ce que j'allais faire, en fait. Ah, d'accord, pardon. Le CO2, en fait, c'est le carbone. Le dioxyde de carbone. Donc, en fait, c'est une particule qui pollue et qui est une des principales raisons pour laquelle... y a de la pollution dans le monde. Oui. Donc voilà, si vous avez un jardin, vous pouvez acheter un arbre. Enfin, planter un arbre. Ou plusieurs, si vous avez un grand jardin. Et planter des fruits et des légumes. Enfin, aussi. Du coup, planter des fruits, ça n'existe pas, mais planter des légumes. Comme ça, ça évite d'acheter dans le magasin. Et comme ça, au moins, vous avez des légumes bio. C'est bon, les légumes bio. Exactement. Non, c'est vrai que c'est très bon. Oui. Ça n'a pas le même goût. Puis, pas de pesticides et puis c'est vraiment genre 100% naturel. C'est un peu plus cher, mais on sait pourquoi c'est plus cher, quoi. Oui. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a quelqu'un qui a créé un moteur de recherche, un peu comme Google en fait, mais dans lequel en fait tout l'argent qui est des pubs, il revient à planter un arbre. Ah, c'est génial. À planter des arbres. Donc ça s'appelle Ecosia en fait. Donc vous pouvez l'installer en fait sur votre ordinateur pour rechercher. En fait, toutes les 45 recherches environ, vous plantez un arbre en fait. 45 recherches ? Oui. Vous avez beaucoup quand même. Ça va. Wow. Bon, tu cherches pas tous les jours non plus des trucs sur internet quoi. Enfin... Bah moi je l'utilise depuis décembre, depuis même janvier parce que j'ai eu mon ordinateur fin décembre. Et genre j'ai fait à peu près 1000 recherches depuis quoi. Mm-hmm. Donc... Ça commence à faire, quoi. Puis c'est mieux que rien, toujours, quoi. Ouais, mais bon, après, ils devraient faire moins. Genre... Ouais, mais après, c'est pas eux qui choisissent, c'est avec l'argent qui gagnent, oui, quoi. Aussi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ils devraient faire moins de recherches. Par exemple, au bout de 25 recherches, par exemple, il y a une pub qui saute, quoi. Non, mais c'est pas... En fait, c'est à chaque fois, il y a des pubs. C'est juste que du coup ils gagnent pas non plus l'argent de planter des arbres avec une seule pub. Oui, bah oui. Et du coup, il en faut plusieurs. Au bout de 45 annonces, en fait, là ils ont l'argent pour planter un arbre. Ouais. Et c'est pour ça que. D'où le environ 45. Bon, après, des fois ça varie aussi. Mais c'est toujours mieux que rien, quoi. Bah oui, c'est clair. C'est sûr que si, grâce à des pubs, tu peux planter des arbres, c'est largement mieux. C'est vrai. Surtout avec la déforestation en Amazonie. Bah, pas que là. Hein. Oui, pas que là, effectivement, mais principalement en Amazonie, je crois. Une fois, j'ai vu un truc dessus, mais je sais plus du tout quand je l'ai vu, et puis je m'en rappelle presque plus. Mais bon. On peut en parler de la déforestation, justement. Oui. Alors, vous savez à peu près. C'est quoi la déforestation ? Bah, la déforestation, bah, c'est enlever tous les biens précieux, entre guillemets, du bois. Du bois, c'est du bois. J'allais dire, ouais, il y a aussi des trucs, les, genre les feuilles, mais non, les feuilles, je sais pas quoi ça bah, sert. En fait, on coupe des arbres seulement. Oui, bah voilà quoi. Ça se produit surtout en Amérique centrale. Et donc, en fait, c'est là-bas les pays, ils chassent les paysans avec de l'argent. Hein. C'est-à-dire, voilà, ils rachètent toutes leurs terres. Mm-hmm. Parce que les paysans, bah, ils sont obligés de faire ça s'ils veulent se nourrir. Oui. Et donc, avec les terres, bah, ils découpent tous les arbres qu'il y a dedans pour les revendre. Et donc, en Amazonie, donc c'est une forêt d'Amérique centrale, une grande forêt. On appelle ça le poumon de la planète, parce que justement, il y a tellement d'arbres, en fait, c'est ça qui absorbe la majorité du dioxyde de carbone. Et je crois que tu as oublié de dire que les arbres créent de l'oxygène aussi. Ils créent aussi de l'oxygène. Oui, tu as oublié de le dire, je crois. Oui, ils purifient l'air. Tu as oublié de le dire, je crois. Mais ils font pas que ça. Aussi l'eau. Qui est une ressource quand même assez importante. On s'inquiète vraiment de si on aura assez d'eau pour tout le monde bientôt. Et ben en fait, les arbres, grâce à leurs racines, en fait, à chaque fois qu'il pleut, ils font tomber l'eau dans les nappes phréatiques, donc des sortes de poches sous la terre, ce qui nous permet ensuite de la réutiliser, l'eau. Oui, surtout que c'est de l'eau assez propre quand même. Bah oui, c'est pour ça. Parce que c'est filtré avec la terre et tout et tout. C'est exactement ça. Et donc, la déforestation, c'est de plus en plus violent. Il y a de plus en plus de déforestation. Il y en a plus que au Brésil, hein, parce que ça touche maintenant toute l'Amérique du Sud et centrale. Mm-hmm. Et plus, Lila, tu disais qu'il n'y en avait pas que là. Bah oui. Du coup, tu sais dans les autres pays où il y en a ? Bah non, dans où il y a des forêts. Oui, principalement. Partout. Mais... En France, par exemple, on a des forêts, mais il n'y a pas de déforestation, tu vois. Bah si. Genre, c'est plus les forêts vraiment importantes comme l'Amazonie, en Amérique centrale, ou alors je sais pas où, mais vraiment, c'est des grandes forêts. Pas que genre des petites forêts de 3-4 arbres, ça va rien, quoi. Alors, je crois aussi qu'en France, les bûcherons, ils sont obligés de replanter 3 arbres quand ils en coupent un. Ça, je suis plus sûr que ce soit vraiment exactement ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça, quand ils coupent un arbre, ils doivent en replanter après. Ouais, mais pourquoi 3 arbres après un ? Ce ne serait pas, par exemple, un après un, ou alors... Je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a un système comme ça en France, je crois, qui permet justement d'éviter qu'on se retrouve sans arbres. Oui, parce que de toute façon, avec la déforestation, ça arrivera bientôt. Mais après, tu vas me dire... Ça va faire beaucoup d'arbres après. Bah, imagine, après on est enseveli sous les arbres. Non, faut pas exagérer parce que c'est dans les forêts. Oui. Non, mais voilà, c'était juste c'était pas drôle, mais bon, c'est pas grave. Puis on n'a jamais trop d'arbres non plus. Non, bah oui. Je repense. Vaut mieux trop que pas assez. Je repense à une image qui circulait sur internet, dans lequel en fait c'est quelqu'un qui racontait qu'une fois il y a quelqu'un qui lui disait. Il lui disait quelque chose comme « Ce serait bien que quelqu'un invente un jour une machine à filtrer du dioxyde de carbone pour en faire de l'air, mais de l'oxygène. » Et la personne lui avait répondu « Oui, ça existe, ça s'appelle un arbre. » Bah oui. Bah après, c'est pas une machine. Enfin, machine, c'est plutôt quelque chose d'industriel, tu vois. Ouais. Alors que l'arbre, c'est vivant, c'est pas industriel. Mais justement, pourquoi se fatiguer à construire quelque chose qui filtre l'air si on a déjà les arbres? C'est juste qu'on n'est pas capable de prendre soin des arbres. Bah oui, parce qu'après, il n'y en aura plus. Après, donc ça servirait à ça, la machine. Sinon, on va mourir. J'aime bien. Mais... oh non. Non, mais aussi. Non, mais ce que je disais, c'est... Je suis tellement optimiste, Lila, mais oui. J'aime trop ça. Exactement. Ce que je disais, c'est justement, pourquoi essayer d'inventer une machine si on peut pas tout simplement se dire, bon, on va essayer de garder quand même les arbres. Parce que de toute façon, même si le gouvernement dit, vous avez plus le droit de faire de la déforestation, il y en a toujours au moins plusieurs qui en font quand même, parce qu'ils ont besoin de vivre s'ils n'ont pas d'argent et s'ils n'ont pas de travail fixe. En général, ceux qui font de la déforestation, justement, c'est des grosses entreprises qui ont de l'argent. Parce que... Oui, avec les machines et tout. Justement, ils chassent les paysans qui sont bien installés, par exemple au Brésil, justement pour déforester, donc ils les achètent quand même. Ouais, mais après, ça leur sert à quoi de déforester Bah, l'argent. Bah oui. Mais ils sont bêtes. Bah non. Enfin, après... ils ont qu'à travailler plus dans leur entreprise, et puis voilà, c'est bon. Ouais, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font en achetant des parcelles d'arbres pour gagner de l'argent. Et maintenant, ça marche que comme ça. Quand t'as de l'argent, t'essayes de toujours en avoir plus. Mm. Et tu te sers de ton argent, en fait, pour en avoir encore plus. C'est triste quand même, ça, tout ça. C'est triste. Je pense qu'on pourrait parler des conséquences de la déforestation, maintenant. Bah oui. Pourquoi pas? Donc, dans la vie de tous les jours, est-ce que la pollution, pardon... ça nous affecte vraiment ou c'est encore loin? Déjà que chez nous ici, il n'y a pas beaucoup, enfin pas vraiment de pollution, alors que par exemple à Paris c'est énorme, surtout à l'été où il fait vraiment extrêmement chaud, où la pollution s'accentue, on va dire ça comme ça, et c'est vraiment beaucoup plus pire que chez nous. C'était pas très français, merci. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu, oui. C'est dur de se concentrer quand on a un clown à côté. Oui, exactement. oui. Donc, pour en revenir à Paris, oui. Aussi en Chine. Oui. Dans les pays très développés où il y a beaucoup de voitures et beaucoup de transports en commun. Alors, en Chine, il y a beaucoup de gens qui meurent jeunes à cause de la pollution. Leur espérance de vie, elle est bien plus basse qu'ici. Oui. Beaucoup portent des masques aussi à oxygène. Bah oui. Et j'ai vu une fois aussi que maintenant, le fait de porter des masques au Japon et aussi en Chine, ça devenait presque une habitude pour les gens. Bah, en même temps, s'ils sortent pas sans, ils s'empoisonnent. Bah, justement, en fait, dès qu'ils sortaient, ils avaient le tilt de le mettre et pas, ils devaient se dire avant que je sorte, il faut que je mette ça et tout et tout. C'était vraiment comme si c'était un habit, comme si c'était un manteau par exemple. Vraiment une habitude, quoi. Bah, oui. Ouais, c'est ça qui devient inquiétant, c'est de se dire. C'est de se dire tout ce qu'on a accompli, puis que l'humanité va être détruite dans quelques millénaires juste à cause de la pollution, quoi. Oui. Quelques millénaires encore, j'exagère un peu, parce qu'il y a certains scientifiques qui prédisent dans moins longtemps encore. 2050. Voire un tout petit peu plus. Je pense que c'est un peu exagéré, quand même. De quoi? 2050. C'est... 2050, ouais, c'est un peu loin, quand même. Bah, après, c'est dans quoi? C'est dans 40 ans, quand même. 30. Ouais, c'est la même chose. Non. Alors, par contre, justement, voilà, on parle du futur dans un monde de la pollution polluée. De toute façon, ça va passer un moment, c'est juste qu'on sera tous morts avant, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça va tellement empoisonner la Terre que, à mon avis, hein, que... Bah, après, si on fait que, justement, la Terre ne s'empoisonne pas, comme tu dis, peut-être qu'on vivra plus longtemps. Bien sûr. Mais après, faut faire. Faut faire. Mais parlons du passé de la pollution. Donc, quand est-ce qu'on a commencé vraiment à polluer la Terre? Bah, quand la voiture elle a été inventée. Et tu penses qu'on polluait pas avant? Si. Alors, de toute façon, on a toujours pollué, hein, depuis toujours, je pense. Oui. Parce que rien qu'en respirant, en fait, on relâche du dioxyde de carbone. Oui, effectivement. À mon avis, ça a commencé vraiment... quand on élevait des vaches, parce que les vaches aussi, ça pollue vraiment. Oui. Ah oui, en pétant. Pardon, j'étais oubliée. Exactement. Pardon, j'étais obligée. Merci, Lisa. De rien, il n'y a pas de problème. Non, oui. Et même avant. Ah oui, c'est ce qu'on disait. Et même, genre, avant. Est-ce que vous imaginez, à la préhistoire, est-ce qu'on polluait déjà? Bah oui, on respirait. Non, mais à part respirer, à part le fait que ça produit, enfin, à part du corps humain, est-ce qu'on faisait autre chose? Je pense pas. Du feu, ouais, du je feu, pensais oui. au feu. Du feu, après, le feu, c'est parce qu'il pollue non plus le plus, quoi. Ouais, mais bon, vu qu'ils avaient que ça pour se chauffer et survivre, quoi, bah, ils le faisaient tout le temps tourner. Oui, c'est vrai. En quelque sorte. Mais avant, on polluait quand même beaucoup moins que maintenant. Ah bah, largement. Je pense que ça a commencé vraiment avec la révolution industrielle. Donc, c'est là où on a eu toutes les machines à vapeur. Où on a eu l'électricité aussi. L'électricité, ça... On se dit que ça pollue pas. En attendant, faut quand même de l'énergie pour créer de l'électricité. Et l'énergie, ça pollue bien. Ouais, ça pollue bien quand même. Oui. Bah, on a eu quoi d'autre? Ben, on a eu, les machines à vapeur. On a eu les premières voitures dans la deuxième révolution industrielle. Les trains. Les trains. Bah, toutes les avions. Toutes les machines comme ça, oui. Oui, toutes les... Et au fur et à mesure, bah, c'est devenu de plus en plus indispensable, ces machines. Oui. Ce qui fait, en fait, une autre question. Est-ce qu'on peut se passer de pollution? Bah, si on avait un monde sans pollution, ce serait bien aussi, parce que à cause de la pollution, ça a créé l'effet de serre, et donc la Terre devient de plus en plus chaude, et puis ça peut créer la fonte des glaces et le dérèglement des saisons, par exemple. Oui. Donc après... sachant que nous, on a vécu dans la pollution, bon, pas trop non plus, mais ça nous ferait vraiment bizarre de vivre sans. Enfin, c'est vraiment bizarre à dire, mais vraiment, c'est bizarre. Oui, je comprends. C'est bizarre. J'avais lu aussi un livre, j'y pense, dans lequel, justement, c'était un voyage temporel, donc il se retrouve au Moyen-Âge. Et en fait, quand il en revenait, la première chose qui lui vient à l'esprit, justement, c'est de sentir l'air pollué. Ouais, c'est spécial ça. Hein. Non, mais c'est pas la première chose que tu fais quand t'arrives dans un pays ou dans un non, autre. Mais truc. C'est-à-dire qu'il sentait pas, c'est juste que bah, il respirait l'air pollué, puis du coup, ça lui choquait tellement c'était pollué par rapport au Moyen-Âge. Mm-hmm. Et ça lui faisait presque du bien, tellement il était content de retourner chez lui, quoi. Ah! Est-ce que la pollution a une odeur? Peut-être, oui. Bah, l'odeur qu'on sent le plus, c'est plutôt l'essence. Oui, c'est vrai. Ou le gasoil. Bah aussi dans les usines quand même, on sent un peu la vapeur quand même. Enfin, je sais pas si ça a une odeur vraiment, mais c'est le truc qu'on sent le plus, ouais, c'est l'essence et le gasoil, enfin. Oui. Tout ce qui est dans ces zones-là, quoi. C'est vrai. Et donc peut-être que dans quelques années aussi, on sentira plus que ça. Ouais. On sait pas. Hein. Notre nez sera aiguisé pour sentir l'essence. Ouais, non, c'est pas c'est pas une compétence qu'on voudrait vraiment tout savoir. Hein. Non, c'est vrai. aussi, ça va être dans longtemps, bien sûr, mais peut-être aussi qu'on mutera pour s'adapter à la pollution. Oui, mm-hmm. Peut-être. non, c'est bon. Donc, peut-être qu'on a des chances de survivre, mais en attendant, on va peut-être pas courir le risque de... Arrête de rigoler, s'il te plaît. On va peut-être pas courir le risque de... Je peux pas continuer, là. Quand t'es quoi, comme ça. Donc, je disais, on va peut-être pas courir le risque, quand même, de polluer notre planète pour savoir comment ça sera dans le futur. Non. Bah oui. Bah non. On va pas prendre le risque. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose de nous retrouver dans 2 semaines pour la prochaine émission. Oui. Qui sera sur le thème? Eh ben, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Non, on n'y a pas encore réfléchi. Merci de tout dire comme ça, Lisa, vraiment. J'ai vraiment envie de dire, dites-moi les propositions en commentaire, mais ça marche pas, vu qu'on n'est pas sur des vidéos. Exactement. Voilà. Donc, au revoir. Dans 2 semaines. À la prochaine. À la prochaine, effectivement. Nous allons finir sur une musique de Nekfeu qui s'appelle Plume. Donc, c'est une de ses musiques les plus connues et de ses plus réussies à mon goût. Donc, à ton goût. Écoutons ça tout de suite. Lourd comme une plume.